Ok, ok. Tout dit. C'est la fin. Il faut pas fentrer. Ok, ok. Remerciement. Tous les MC qui ont posé sur la tête. Normal. Ok. On reviendra plus vite que prévu. Parce que tout dit. On est là. 8-9. Ouais. Toujours productif. Le garage. Ok. Les gars, pas tous les frères qui sont toujours là, qui en présentent à tous les concerts. Peace. S'appeler Bartholomé, combien de frères sont au chômage mais sont des bêtes de diplômés, combien d'immigrés galèrent pour une carte de séjour, combien de mères célibataires en bavent tous les jours. La vie est une chienne, elle te chope et elle te saigne, combien de gamines finissent veuves, combien de pères sont au ciel. La vie c'est pas un film, y a pas grand chose de clean, mais du berceau à la tombe, on tente de rester digne. Comment avancer sans objectif ni avenir, la vie est dure, t'attrape et te coule comme un navire. Rien à perdre, rien à gagner, on fait que stagner, tant de frères finissent au panier, en rêvant de palier. Yeah. au fond de moi. Rien ne va vraiment bien, trop de questions dans ma tête. Je ne trouve plus les liens et les miens ont tous traversé l'enfer. Cette guerre en Bosnie nous a coûté nos nerfs. Ici mes frères vivent toujours stressés, oppressés par les flics. Nous sommes jusqu'au décès, nous voir morts, c'est ce que veulent ces fils de pute. Nous on lutte toute une vie pour atteindre nos buts. Bientôt un quart de siècle, j'ai encore rien fait de ma vie. J'arrive à un âge fatidique, j'ai 22 piges, trop de temps à galère. Même si j'en ai pas l'air, à rien faire, à fumer, à boire, je manque d'air. MC au grand cœur, mais dans mon crâne y'a trop de rancœur. Ce qui me fait tenir, entendre des gens chanter nos sons en cœur. Et tant que nombreux sécheront devant le social ascenseur du son, on fera, on dénoncera, car rares sont ceux qui s'en sortent.